J'aime le ketchup, j'aime pas la mayonnaise, j'aime les spaghettis, j'aime la bolognaise, j'aime les hamburgers, j'en mange souvent, je rajoute du beurre et du fromage blanc. J'aime le McDo, j'aime la piscine, manger les tournes d'eau qui sortent de l'usine. J'aime pas le Vélib, j'aime la margarine, j'aime quand je m'exhibe devant des sardines. J'aime continuer, je n'aime pas m'arrêter, sauf quand je m'arrête pour mieux recommencer. Alors je recommence à la demande générale, pogo dans l'assistance, ça devient infernal. J'aime pas les clodos, j'aime la cantine, je chante en stéréo, en secouant la pine. J'aime pas les blaireaux, j'aime les tartines, j'aime bien les métros, j'aime la farine. J'en prends de grandes bouchées, et après je mâche, quand je peux plus respirer, alors je recrache. C'est pas mal hein, peut-être, mais c'est très rigolo. Les gens dans ma tête disent que je suis schizo. Je n'aime pas m'arrêter, tombe vers la mec et commence à prier. Alors je recommence à la demande générale, ça n'a pas de sens, je crie comme un chacal. On prend la peau en brille, c'est le titre de la chanson. J'ai le crâne qui brille, j'ai le casson qu'il faut. On chine dans des vols, on chante des chansons. On saute sur le sol, on crie en ton prénom. J'aime continuer, je n'aime pas m'arrêter, sauf quand je m'arrête pour mieux recommencer. Alors je recommence à la demande générale, ça sent un peu le rancien des morts dans la salle. On part un peu en brille, c'est une de la chanson. Nous on est l'espadrille, alors retiens ce nom. On chie dans des bols, on crie dans un micro, on chante comme des mongols. Mais là on en a marre.